Condensation. Écran noir, puis il serait écrit. Souleymane est devenu et mourut en l'an. Second écran, l'épitaphe. Ma vie pour la vie, la mort pour la mort, l'éternité pour l'humanité. Dernier écran, fin. Mais l'aventure continue. Je ne suis toujours pas mort. J'ai mis 2 ans et demi à écrire cette autobiographie. J'ai pesé chaque mot, chaque histoire, et je mets au défi quiconque de trouver ne serait-ce qu'une virgule de mensonge. Depuis, j'ai passé mon temps à tricoter des relations publiques avec comme perspective la réalisation des prochains Au Fourneau. L'objectif est d'avoir une couverture médiatique suffisamment importante pour rendre impossible ce qui s'est passé lors de la construction de ce premier four. Au moment où je brode ces lignes, on est en octobre 2018. Je peux compter sur plusieurs milliers de contacts au sein d'un épais tissu de militants humanistes. Je vous compte dedans, car si vous avez poussé le fil de l'écoute jusqu'ici, je suis sûr que lorsque vous entendrez parler de Au Fourneau en Afrique, vous tendrez l'oreille. Un des buts de ce témoignage est atteint, ainsi que le point final de cette première odyssée. Pourtant, ce que vous venez de lire n'est rien par rapport aux perspectives du chapitre qui suit. Vous avez écouté des heures, et je pense qu'à des moments, vous avez dû vous demander « Quel rêve peut être assez beau pour endurer tout ça ?» C'est pourquoi je vais maintenant vous raconter l'histoire qui aurait dû se passer. Mon rêve, mon projet, mon avenir, notre avenir. Mais avant, je souhaiterais répondre à certains lecteurs qui m'ont dit « C'est l'histoire d'un échec ?» Non, j'ai décidé de terminer mon récit au décollage, pas uniquement pour l'effet dramatique, mais surtout car j'avais déjà suffisamment de choses à dénoncer. Il faut considérer ce qui s'est passé comme une des étapes vers la matérialisation d'une nouvelle civilisation. Logique qu'il y ait eu de l'adversité. Construire des hauts fourneaux en Afrique est l'acte ultime de désobéissance au capitalisme, car bientôt, ils fourniront les moyens de fonctionner à une nouvelle forme d'organisation. Sa description fait l'objet des prochaines pages. Cependant, afin d'éviter un simple planning de mise en place étape par étape, je trouve les procédures chiantes à lire. J'ai choisi l'Uchronie, c'est-à-dire partir d'un point de départ historique, changer un événement, puis en imaginer les conséquences. Donc nous allons supposer qu'il n'y ait jamais eu ce malentendu lors de la mise à feu de ce premier four, puis analyser logiquement ce qui aurait dû se passer. Par contre, ce n'est toujours pas un roman. Par exemple, les informations sur Boko Haram sont vraies. Les spéculations portent uniquement sur le déroulement idyllique de l'avenir.